Chapitre 9e, le major Varnet joue le premier. Une demi-heure après le retour à Littlewood Park du capitaine Walsingham, qui avait apporté la triste nouvelle, tout le monde aux environs savait que Sir Rupert Little avait disparu. Tous les chevaux des écuries de Littlewood avaient été scellés, tous les domestiques mâles de la maison, aussi bien que ceux du dehors, s'étaient enrôlés pour aller à sa recherche. Ils galopaient le long des routes, ils questionnaient les paysans qui revenaient du marché, tous ceux qu'ils rencontraient de près ou de loin. Ils fouillèrent les allées tortueuses, les champs labourés et la grande chaîne de coteaux qui partait de Beach Ride, mais ils ne purent rien apprendre sur l'enfant monté sur le poney gris pommelé. Claribel Walsingham était comme une folle. Elle voulait aller elle-même à la recherche de l'enfant, et elle se fût échappée de la maison si, sur le seuil, son mari ne l'eût retenue dans ses bras. Dans sa folle angoisse, elle l'accusait et lui adressait mille reproches. « mon fils !» s'écria-t-elle, « je vous l'avais confié. Vous aviez juré de le protéger. Qu'en avez-vous fait? Vous auriez dû mourir plutôt que de venir me dire que mon enfant est perdu. » Cette femme, ordinairement si froide et si peu impressionnable, était terrible dans sa douleur. Elle allait et venait dans ses luxueux appartements, pleurant son enfant dans un véritable paroxysme de désespoir. Le capitaine n'avait pas la force de la consoler. Il quitta le château et alla attendre à la grille du parc le retour des gens dont il savait les recherches inutiles. Il trouva Gilbert Arnold à son poste sur le seuil de la loge. Le fils du braconnier était à la porte du jardin. Le capitaine Walsingham tressaillit à la vue de cette chevelure blonde et de ce visage maladif, comme s'il avait vu un revenant. Il pensait au pauvre petit être animé qui, roulé dans un plaid d'Écosse, gisait sur l'herbe touffue du fond de Beach Ride. Il pensait à l'autre chevelure blonde, sur laquelle la main caressante d'une mère ne devait plus se poser. « Pourquoi n'êtes-vous pas avec les gens qui sont partis à la recherche de Sir Rupert ?» demanda-t-il au garde. « Parce qu'ils sont assez nombreux sans moi, » répondit Gilbert d'un ton bourru. « J'ai assez à faire de veiller aux miens. Ils pourraient être perdus ou volés, ou assassinés aussi, » ajouta-t-il avec une grimace. L'officier indien s'élança vers la porte, comme s'il allait fondre sous Gilbert Arnold. Mais l'enfant qui se trouvait sur son chemin commença à crier. « Tais-toi, mauvais petit palo !» hurla le père. « Il ne va pas me frapper, j'espère !» Le capitaine vit que cet homme avait bu. Gilbert plongea sa main rude dans les poches de sa veste et fit sonner la monnaie du souverain que lui avait donné le major Varnet. Le capitaine jeta sur lui un regard scrutateur. « Lui a-t-on déjà fait la leçon » pensa-t-il. « Sait-il déjà quel rôle il aura joué dans cet infernal complot ?» Il faisait nuit quand les domestiques rentrèrent pour annoncer que leurs recherches avaient été inutiles. Mais avant eux, le poney, mouillé et couvert de boue, était rentré à son écurie. Il n'y avait pas à en douter, l'enfant avait été noyé. Mais comment et où? Claribel Walsingham ne fit aucune de ces questions. Elle avait appris que le poney était rentré seul à l'écurie, et elle était tombée inanimée sur le sol. Quand les premières lueurs du jour parurent, on sonda chaque étang et chaque ruisseau des environs de Littlewood Park. Mais toutes les recherches furent inutiles. Le jour se passa et on ne trouva pas le corps de Rupert. On colla de grandes affiches à des intervalles réguliers tout le long des murs du parc, aux poteaux de la route, dans tous les villages des environs, qui faisaient savoir en lettres d'un pied de haut qu'une récompense de 500 livres serait donnée à toute personne qui découvrirait le corps de Sir Rupert Little, baronnet. Chaque ruisseau, chaque étang avait été fouillé. Où donc l'enfant pouvait-il s'être noyé? Chacun se regardait gravement en faisant cette question. Deux petits groupes s'étaient rassemblés aux portes des tavernes et des auberges de Littlewood, et leur conversation roulait entièrement sur le gentil petit baronnet qui avait si étrangement disparu. Il était sorti du parc avec son beau-père et l'ami de son beau-père. On les avait rencontrés sur la grande route, le capitaine conduisant le poney de Sir Rupert par la bride, et depuis personne n'avait revu l'enfant. Le récit que fit le capitaine Walsingham de la disparition de l'enfant était assez vraisemblable. Il avait descendu le coteau pour conduire le major jusqu'à la voiture et avait laissé le petit baronnet galopant sur le sommet. En remontant après une absence d'un peu plus d'un quart d'heure, il l'avait en vain cherché. Le beau-père ne pouvait avoir aucune raison pour en vouloir à la vie de cet enfant. Le domaine de Littlewood, sur lequel, du vivant de son beau-fils, le capitaine aurait pu avoir quelque contrôle, revenait maintenant à un étranger. On ne pouvait s'expliquer la disparition de Sir Rupert. S'il avait été volé par les misérables rôdeurs des environs, le poney aussi aurait été volé. Il avait donc été noyé. Qui pouvait l'avoir attiré dans cette direction et si loin de l'endroit où le capitaine l'avait laissé? Un caprice d'enfant, peut-être. On dragua la rivière sans résultat. Le courant avait sans doute emporté le corps de l'enfant à la mer, et la malheureuse Lady Lessell ne reverrait jamais son fils. Le deuil régna dans la magnifique demeure de Lesslewood. La violence de la douleur de Claribel Walsingham fit place à un chagrin plus calme qui n'eut ni changement ni répit. Tout vestige de couleur avait disparu de ses joues amaigries, tout éclat de ses yeux bleus. On ne la voyait jamais pleurer. Mais jamais non plus on ne la voyait sourire. Elle ne prenait intérêt à rien. Le château eût-il été en flammes, c'est à peine si elle s'en fut aperçue et si elle l'eût quitté de son propre mouvement. Elle restait toute la journée dans sa chambre, refusant de recevoir qui que ce fût, à l'exception de son mari et de sa femme de chambre. Le capitaine pénétrait rarement dans cette chambre de désolation. Il sortait à cheval chaque matin et rentrait à la nuit tombante pour rester à fumer dans la bibliothèque depuis le dîner jusqu'à 11 heures ou minuit. Les domestiques se disaient tout bas entre eux que le capitaine s'était adonné à la boisson plus qu'il ne le fallait pour son bien, et que la douleur de sa femme et la disparition de son beau-fils pesaient d'une manière terrible sur son esprit. Le capitaine n'avait jamais passé pour un homme très gai depuis son retour de l'Inde, mais la morne tristesse de ses manières augmenta encore après la disparition de l'enfant. Sir Lancelot Lessell, le nouveau baronnet, écrivit de Florence pour supplier la veuve de son parent de rester en possession du château et du parc de Lesslewood, ajoutant que son notaire arrangerait cette affaire à sa place, car pour lui, il ne voulait pas changer la vue des coteaux de Florence pour celle des plaines arides du Sussex. Mrs. Walsingham pouvait donc habiter Lesslewood Park jusqu'à la fin de ses jours, et ce serait lui accorder une faveur que d'y consentir. Une neige épaisse couvrait les allées du parc et frangeait de blanc les branches des vieux chênes dépourvues de leurs feuilles, avant que l'émotion causée par la perte qu'avait faite Mrs. Walsingham fût calmée. Toutes les mères du village de Lesslewood avaient pleuré sur les chagrins de la grande dame qu'elle se souvenait d'avoir connue bien longtemps avant son premier mariage. De simples villageois se rappelaient combien de fois, quand la voiture de Lesslewood traversait avec fracas le village, ils avaient envié la belle dame vêtue de soie et de velours, si fière d'avoir son joli enfant à ses côtés. Et maintenant, quels sont ceux d'entre eux qui changeraient leur sort contre le sien? Ils frissonnaient en entendant raconter par les domestiques bavards la désolation qui régnait dans les salons splendides, la tristesse du capitaine fumant et buvant devant son feu solitaire jusque dans le silence de la nuit. Celle encore plus grande, de la dame couchée dans ses appartements assombris, fatiguée du monde où elle avait été si heureuse et appelant la mort qui la rendrait à son enfant. Rachel Arnold, entre autres, prenait la plus grande part au chagrin de la dame du château. Assise un soir de janvier, où la neige couvrait la terre, devant l'étroite cheminée de son petit salon, elle risqua jusqu'à le dire en présence de son mari. « Qu'est-ce que cela ?» murmura Gilbert Arnold en la regardant d'un air féroce sous ses épais sourcils. « Qu'est-ce que vous marmottez là ?»« Je disais que je pensais à la pauvre dame du château, Gilbert. Je viens de là-haut voir le petit James. » Et quand je le vois tranquille et bien pourtant dans son lit, je pense toujours au pauvre Sir Rupert. Ces deux enfants se ressemblaient, dit Gilbert d'un ton pensif, les yeux fixés sur le feu et en vidant sa pipe sur la barre de fer. Seigneur Dieu, j'aime à les entendre parler de race et de famille et de tout ce qui s'ensuit. Mon garçon a tout aussi bon air que Sir Rupert l'a jamais eu, et meilleur air même. Quand j'étais toute jeune fille, Gilbert, dit la femme en rougissant légèrement. On me disait que je ressemblais à Miss Merton. Gilbert Arnold n'était en aucune façon d'une galanterie exagérée. Il regarda sa femme pendant quelques secondes en faisant une grimace désagréable, puis il éclata de rire. Ah, tu lui ressemblais vraiment, dit-il. Je ne l'ai jamais remarqué. Et si tu lui ressemblais alors, tu ne lui ressembles plus maintenant. Je puis bien te l'assurer. Il rebourra avec soin sa pipe et l'alluma. Puis il mit ses pieds grossièrement chaussés sur les chenets et recommença à fumer. « C'est à force de travailler que j'ai perdu ma beauté, Gilbert, » dit sa femme. « Si jamais tu as eu quelque chose à perdre, » grommela-t-il. « Mes cheveux étaient aussi blonds et mes yeux aussi bleus que ceux de Milady. »« Oh oui, dit Arnold avec gaieté. Tes cheveux sont de ceux dont il semble qu'on ait enlevé toute la couleur. Et tes yeux sont ternes comme si on les avait fait bouillir pour les embellir. Seulement, ça n'a pas réussi. À cela près, tu es tout comme Milady, dit-il en riant. Pauvre chère femme, je suis bien désolé pour elle, murmura Rachel d'une voix triste. Ah ça, écoute-moi bien, dit Gilbert Arnold en ôtant sa pipe de sa bouche et en frappant du poing sur la petite table placée près de lui. Je ne veux pas de tout cela, pas de pleurnicheries sur son compte, pas de cris, pas de plaintes et pas de soupirs. Elle a une belle maison, n'est-ce pas? Une belle voiture pour se promener, de belles robes à mettre, de bons lits pour se coucher, de bons dîners à manger, de bons vins à boire et de l'argent à dépenser, n'est-il pas vrai? Eh bien, qu'elle se contente de tout cela. Elle n'a jamais goûté au gruau de la prison, n'est-ce pas? On ne lui a jamais mesuré son pain. Elle n'est jamais restée couchée sous une haie pendant 6 ou 7 mortelles heures par une froide nuit d'hiver pour attraper un lièvre qu'elle ne vendait pas plus de 3 shillings le lendemain matin. Elle ne craint pas d'aller à 6 000 de sa maison de peur d'être arrêtée et accusée d'une chose qu'elle n'a jamais faite, ou que personne ne peut prouver qu'elle est faite. Qu'elle se contente donc de tout cela, alors? Si son garçon s'est noyé, eh bien il est noyé. D'autres ont eu à supporter de pareils malheurs, elle peut supporter celui-là. Elle a eu plus que sa part de bonheur, quelle est sa part de malheur? Le vent glacé et la neige qui tombaient entraient avec violence dans la petite chambre. Tout à coup on entendit le bruit des deux mains frappées l'une contre l'autre en signe d'approbation. Qu'est-ce que cela? Dit Gilbert Arnold en se levant brusquement, avec une expression d'alarme dans ses yeux verts jaunes. Et il se retourna vers la porte qui était derrière lui. Un homme, de haute taille, couvert d'un habit râpé, ayant un cachemire de couleur éclatante où le jaune dominait, roulé autour de son cou, se tenait en dedans de la porte ouverte. Son chapeau était rabattu sur ses yeux et son châle arrivait si près de son nez qu'on ne pouvait rien voir de son visage que ce dernier organe, lequel était fortement aquilin. Gilbert Arnold tremblait comme une feuille. Il saisit le barreau de la chaise qu'il avait occupée et s'y cramponna, mais le barreau céda sous son poids, et il le lança loin de lui en jurant. « Qu'est-ce que c'est? Que me voulez-vous ? » dit-il. Et tout en parlant, il jetait un regard furtif du côté du petit escalier qui conduisait à l'étage supérieur, comme s'il voulût tenter d'échapper à cet étrange visiteur en se réfugiant en haut. L'étranger riait à gorge déployée. C'était un rire clair, sonore, argentin et joyeux, que Gilbert Arnold avait déjà entendu. Il ôta son chapeau, secoua la neige sur le plancher sablé et ferma la porte derrière lui. Il ôta son manteau, s'assit auprès du feu, passa sa main dans ses cheveux dorés et luisants, puis se mit à caresser sa longue moustache en regardant Gilbert Arnold avec un sourire aimable. Le garde-chasse fit un salut gauche et presque poli. « Major, dit-il en hésitant avant de prononcer son nom. Granville Varney, précisément. Il paraît que vous recevez peu de visites ici, mon digne ami, en jugé par l'effet extraordinaire que mon arrivée a produit sur vous. » Le visage de Gilbert Arnold devint cramoisi. Il regarda le petit coucou perché dans un coin de la chambre. « Mais il est un peu tard, murmura-t-il. « C'est vrai, 11h30, c'est tard. J'ai quitté Londres par l'express de 9h, tout exprès, pour avoir un petit bout de conversation avec vous, Arnold. Il y a loin de la station ici, mais je n'avais pas besoin d'apprendre ma visite à vos convives. Je suis venu à pied. C'est pourquoi j'arrive si tard. Passons donc maintenant aux affaires. Vous avez bien pensé que je viendrais, n'est-ce pas? Le garde frotta d'une main son menton bleuâtre et hésita. Pourquoi? Dit-il. Vous vous attendiez à me voir, je le sais fort bien. Rachel Arnold, extrêmement intriguée, regardait alternativement son mari et le major. « Va te coucher, Rachel, » dit Gilbert. « Nous n'avons pas besoin que tu restes là nous écouter. Va te coucher. »« Ne soyez pas si brutal avec votre aimable femme, mon digne ami, » dit le major avec un sourire plein d'affabilité. « Ce que veut dire ce bon Arnold est tout simplement ceci, » ajouta-t-il. « Comme nous avons besoin d'avoir une petite conversation sérieuse et confidentielle, et comme il n'est pas de bonheur, il vous conseille d'aller vous reposer. C'est un excellent garçon, mais il a une manière à lui de dire les choses, et ce n'est pas toujours une manière aimable. Bonsoir. » Le major fit un signe de sa main blanche couverte de bagues, qui semblait pousser Mrs. Arnold hors de la petite chambre, elle monta et se jeta tout habillée sur son lit. L'escalier était fermé par une porte ouvrant sur la pièce du rez-de-chaussée. Le major Granville-Barney ferma cette porte de sa propre main. Ce qu'ayant fait, il prit place en face de Gilbert Arnold. « Choisissez une autre pipe, » dit-il en montrant les fragments de celle qu'il avait laissée tomber dans son agitation. Gilbert prit une longue pipe en terre dans une armoire placée près du feu. Le major tira un cigare de son étui et l'alluma à la petite chandelle qui brûlait sur la table. Il en fuma la moitié avant de lire un mot. Puis, levant les yeux sur le garde, qui était appuyé contre la cheminée et qui examinait son visiteur avec avidité, il dit d'un ton poli « Vous avez eu peur tout à l'heure quand je suis arrivé chez vous si brusquement. Pensez-vous qu'on... Vous savez qui ? Vous avez trouvé à la fin ?» Gilbert Arnold regarde le major comme si cet individu à moustache jaune et souriant eût été un fantôme. « Voyons, vous habitez ici depuis cette année et plus. 2 ans auparavant, vous étiez dans la prison de Winchester. Une autre année auparavant, vous étiez à Sevenoaks, dans le comté de Kent. » La seconde pipe de terre glissa des mains du garde et se brisa sur la pierre du foyer. « Encore un penny perdu, » dit le major. « Mon digne ami, vous êtes trop nerveux. » « N'ai jamais eu personne de mon nom à Sevenoaks, » murmura Gilbert qui regardait les charbons enflammés et s'étudia à éviter les yeux bleus perçants du major. « Personne de votre nom, bien certainement non, mon excellent ami. Mais vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de noms. Si nous vous laissions de côté pour un moment, et si nous parlions de Josiah Bird ?» Le garde tomba sur sa chaise comme s'il reçut un coup de fusil à bout portant. Il essuya la sueur froide qui perlait sur son front, avec la paume de sa main brûlée par le soleil. « Cela doit vous être égal d'entendre parler de Josiah Bird. Mon digne ami, je n'aime pas faire de la peine aux gens, mais il me serait difficile de continuer sans parler de ce Josiah Bird. » Il tira de sa poche un petit portefeuille et choisit parmi les breloques pendues à sa chaîne de montre un crayon lilliputien, ouvrit le portefeuille et tournant les feuillets jusqu'à l'endroit qu'il cherchait, il posa son crayon et dit d'un ton résolu « Comme j'ai dans l'idée, mon digne Arnold, que vous êtes un gaillard extrêmement intelligent, je serai d'une grande franchise dans tous mes rapports avec vous. Je crois que vous pouvez m'être utile, sans cela je ne serais pas ici. Si je vous prenais pour un imbécile, je me servirais de vous sans vous le dire. Comme je ne vous prends pas pour un imbécile, je me figure que vous ne me servirez que mieux si je vous mets dans les secrets de ma politique. Gilbert Arnold, je n'ai jamais commis un seul délit passible des lois depuis que je suis au monde. » Le major se rejeta en arrière sur sa chaise et éclata de rire comme s'il eût dit la meilleure des plaisanteries. « Non, dit-il, je suis officier dans l'armée des Indes. Je n'ai que ma paye de major. Personne ne m'a jamais laissé un liard. Je n'ai jamais fait de dette. Et je vis sur à peu près 2000 livres par an. Je ne me suis jamais mis sous le coup de la loi. Je n'ai jamais couru le risque d'endosser la casaque des prisons, mais je connais mieux les crimes des autres que personne au monde, excepté les fonctionnaires de la police secrète. Vous pourriez me demander pourquoi je cultive ce genre de renseignements. Je vous répondrai simplement que c'est une étude qui me plaît. Quand j'ai besoin d'un homme, je ne l'achète pas, je ne le menace pas. Quand j'ai besoin d'un homme, j'apprends son histoire. J'avais besoin de vous, j'ai appris la vôtre. » Il y avait un fusil dans un coin de la chambre derrière la chaise du major. Les yeux de Gilbert Arnold se portèrent involontairement dans sa direction. Si rapide que fût ce regard, le major Granville-Barney le saisit et tournant son fauteuil, il suivit les yeux de Gilbert. « Ne pensez pas cela, mon bon ami. Attendez un peu. » Et vous verrez que je suis ici dans notre mutuel intérêt. Revenons à Josiah Bird. Il y a 10 ou 11 ans, vous étiez un beau et vigoureux jeune homme, seulement vous étiez malheureusement un peu trop connu dans ces parages, sous le nom de Gil, le braconnier, et en dernier lieu, vous fûtes forcé par un usage un peu trop fréquent des collets de quitter le comté de Sussex après avoir fait un court séjour dans la prison de Lewes. Pour un lièvre et un couple de faisans, dit le garde, comme pour s'excuser. Non, pas seulement pour un lièvre et un couple de faisans. On parla de quelque chose comme d'un canon de fusil tourné sur le garde qui vous avait arrêté. Mais c'est sans doute pure médisance et pure méchanceté. Enfin, après 2 mois passés à Lewes, Gilbert, le braconnier, disparut, et les propriétaires des environs de Leslewood se félicitèrent de son départ. Jusqu'ici, très bien. Voici que nous arrivons à Josiah Bird. « Je ne sais de qui vous parlez, ni de quoi vous parlez, » dit Gilbert d'un ton furieux, avec le même regard jeté par-dessus l'épaule du major sur l'arme qui était placée derrière la droite de l'officier. « Vraiment, mon bon ami. » « Vraiment, mon bon ami. Quelle singulière affection vous avez pour ce fusil. Accordez-moi votre attention pendant 5 minutes, et vous verrez quelle folie est la vôtre. » Dans les environs de Seven Oaks, dans le comté de Kent, il y a plusieurs réserves considérables. Une entre autres devint une mine pour le braconnier. Pendant l'automne de 1835, le gibier disparut de cette propriété avec une rapidité qui souleva l'indignation du propriétaire et de ses gardes. L'un d'eux, gaillard fort et déterminé de 6 pieds de haut, dit à son maître qu'il pensait pouvoir mettre la main sur l'homme qui causait tout le mal. « Je le connais, dit-il. C'est un chien, rampant et lâche, qu'on appelle Josiah Bird. On l'a vu colporter du gibier dans Seven Oaks. » Je lui pardonnerais s'il se servait d'un fusil comme un homme, car alors il y aurait une chance de l'attraper. Mais il rampe ça et là, et prend le gibier sous votre nez, puis il vous glisse dans les mains comme une anguille. Mais j'ai l'œil sur lui, et aussi vrai que je le prendrai, il payera tout le mal qu'il a fait. Peut-être cela arriva-t-il aux oreilles de Josiah Bird, car une semaine plus tard, on trouva le garde couché dans une fougère et sa cervelle éparse de tous côtés. On suivit la trace des pas d'un homme sur la bruyère, qui était souillé çà et là de larges flaques de sang. Le chirurgien d'un village des environs raconta qu'un homme était venu le trouver avant le jour pour le prier de panser une blessure faite par une balle sous le genou, que cette blessure pourrait le rendre boiteux, mais que dans tous les cas, elle laisserait une cicatrice qui se verrait toute la vie. Cet homme était Josiah Bird. La femme du péage le vit sauter par-dessus la barrière au point du jour. Il entendit prier un charretier qui se rendait à Londres de lui donner une place dans sa voiture. Avant midi, le crime était connu. Mais depuis ce jour, les constables de Seven Oaks n'ont jamais vu mettre la main sur Josiah Bird. Je crains bien que si jamais ils y arrivent, le pauvre diable ne passe un mauvais quart d'heure, dit le major en riant. Gilbert Arnold était atterré. On eût dit qu'il allait glisser sur le sol. Le major, avec l'intention bienveillante de prévenir sa chute, le saisit brusquement par la jambe droite, et relevant son large pantalon par un rapide mouvement, il saisit la chandelle et l'approcha du genou. « Diable !» dit l'officier. « Voilà une blessure faite par une balle et qui ressemble étonnamment à celle de Josiah Bird. Je pensais bien que vous aviez un peu de faiblesse dans la jambe, mon bon Arnold. » Le bon Arnold rabaissa la jambe de son pantalon avec un grognement sauvage. « Maintenant, mon digne ami !» dit le major en se levant. « Je crois que nous commençons à nous comprendre. Si je n'avais pas eu besoin de vous, je ne serais pas venu ici par le train express de 9 heures pour vous raconter l'histoire de Josiah Bird. Voici un billet de 10 livres qui paiera les frais de votre voyage à Londres avec votre femme et votre enfant. Vous direz aux gens de ce pays que vous allez en Amérique. Voici l'adresse d'une maison où vous vous rendrez en arrivant à Londres. Dans cette maison, vous attendrez qu'il me plaise de vous donner d'autres instructions. » Vous recevrez ces instructions soit par moi, soit par mon domestique Salamons. Je me lave les mains de tout ceci. J'ai une conscience nette et je n'ai jamais commis un seul délit de ma vie. Si on vous mettait demain sur le banc des témoins, tout ce que vous pourriez dire, c'est que je suis venu un soir chez vous pour vous parler de Josiah Bird. Le jury ne me trouverait qu'excentrique. Mon paletot, s'il vous plaît. Le major remit son paletot, s'enveloppa dans une immense couverture de voyage, ramena le cachemire sur son nez, enfonça son chapeau sur ses yeux et sortit du cottage. « Malédiction sur toi !» murmura le garde en apostrophant la silhouette du bel officier. « Malédiction sur toi ! Comment a-t-il découvert cela, après 10 années si longues et si misérables ? Se voir enfin découvert, devenir ton laquais, le paillasson sur lequel tu essuieras tes bottes crottées pour le reste de tes jours, malédiction !» Il traversa brusquement la petite chambre, décrocha le fusil et s'éloigna dans l'allée couverte de neige. « Je voudrais bien le suivre, oui, je le voudrais bien, » dit-il. « Mais si je le faisais, je pourrais bien ne pas m'en tirer aussi facilement cette fois. »